allez bien? Bonjour mes amis, vous êtes bien sur Fadjet 94.2 pour l'émission Code du Beloved. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle émission reggae où je vais vous présenter 8 artistes fabuleux comme M, Tyro, Admiralty, sans oublier Little John, Coral Smith, Tonton David, Eddie Murphy et pour finir Damikis. Allez les amis, commençons avec le premier chanteur qui s'appelle M. Ce grand chanteur âgé de 46 ans qui a déjà une longue carrière derrière lui. Et aujourd'hui les amis, si je vous parle de ce chanteur, c'est tout simplement parce qu'il vient de sortir un projet qui s'appelle L'Amomalie. Le principe de ce projet est de récolter de l'argent pour chaque album vendu et place de concert aussi, qui ira directement à l'association Clones Sans Frontières. La chanson que je vais vous faire écouter, ça fait un petit peu reggae, c'est la chanson qui fait le plus reggae dans l'album, donc je vous l'ai mis, elle s'appelle Setter, et vous allez voir, c'est vraiment une très très belle chanson. Voilà mes Rasta, c'était 7 heures du projet L'Amomalie de Mathieu Chedid. Allez, je vous propose qu'on continue avec un autre chanteur très talentueux qui se nomme Tyro. Il va chanter la chanson Panam Dance. Elle est sortie en 2017 et c'est une tuerie. Ma bien-aimée, oh mon amour, ma bien-aimée, tu m'as vu grandir, toi qui m'as fait, où que je sois, là où j'irai, quoi qu'il en soit, je t'oublie jamais. Tu m'as appris la vie, tu m'as donné, moi qui n'étais qu'un gamin du quartier. Ils ont beau dire, ils ont beau nier, nous sommes liés à tout jamais. Oh danse, non-croyant, viens non. Toi, mon ami le juif, allô non-voir le rasta. Où ça? Il est chez le bouddhiste. Ah bon? Celui, il a de quoi s'enjailler sur la piste. Pour qu'on danse. Viens, je t'emmène. On va faire le tour du quartier, c'est pas la fête. D'avoir peur pourquoi tu flipperais. Viens, on t'emmène. Faire le tour du quartier, c'est pas la fête. Dis-moi pourquoi tu flipperais, donc vas-y, danse. Bien aimé, tu m'as vu grandir, toi qui m'as fait, où que je sois, là où j'irai, quoi qu'il en soit, je ne t'oublie jamais. Tu m'as pris la vie, tu m'as donné, moi qui n'étais qu'un gamin du quartier. Ils ont beau dire, ils ont beau nier, nous sommes liés à tout jamais. Oh, danse. On a dit tous les quartiers, mais à Paris, même les invalides dansent. Même les invalides dansent, c'est comment? Même ceux qui font la gueule dansent. Oh, c'est doudé. Et bien voilà les amis, c'était Paname Danse. Allez, notre prochain artiste s'appelle Admiralty. Il est âgé de 36 ans, il est actif depuis les années 1993 et sa chanson s'appelle Done Too. Et c'est pas du reggae, mais c'est de la dancehall. Donc j'espère que ça va vous plaire quand même. Allez, c'est parti. De l'énergie comme le boss quand il monte sur scène. Fraîche comme une fleur dans le jardin d'Eden. T'as le rythme dans la peau, la musique dans les veines. When you whine me, say do it again. Love when you whine and love when you do it. Love when you whine and love when you do it. Pretty, pretty girl, then who make it you win $1 million on the twins. Hey. Love when me whine and love when me do it. Love when me whine and love when me do it. Quand tu m'as vu whine, j'ai tombé love tout de suite. Y'a nobody but a dang. Girl, quand tu montes sur la piste, tu donnes tout. Girl, quand tu montes sur la piste, tu donnes tout. Dansol, soca, soke, yasunto. Girl, quand tu montes sur la piste, tu donnes tout. Girl, quand tu montes sur la piste, tu donnes tout. Girl, quand tu montes sur la piste, tu donnes tout. Dansol, soca, soke, yasunto. Girl, quand tu montes sur la piste, tu donnes tout. Girl, tu pètes la forme, ouais, tu pètes la forme. Sur la piste, donne tout, frappe fort comme Tyson. Même Floyd me reverse, y'a pas 5 round. Même Floyd me reverse, y'a pas 5. Every single girl, t'es passing dance as lambda. Every single girl, t'es passing dance as lambda. Every single girl, t'es passing dance as lambda. Every single girl, t'es passing dance as lambda. Quand tu bouges ton body sur la mélodie. Everybody body like it when you whine it like a yadé, like a yadé. Double fait 40, jamais ouillé. Motel, t'es celle, jamais calé. Move to the left, move to the right. Move to the left, move to the right. Everybody follow you, follow you, follow you. Cause you a leader. Girl, sur la piste, t'es pas timida. Girl, quand tu montes sur la piste, tu donnes tout. Girl, quand tu montes sur la piste, tu donnes tout. Dans le soca, soke, yasun tout. Girl, quand tu montes sur la piste, tu donnes tout. Girl, quand tu montes sur la piste, tu donnes tout. Girl, quand tu montes sur la piste, tu donnes tout. Dans le soca, soke, yasun tout. Girl, quand tu montes sur la piste, tu donnes tout. Girl, quand tu montes sur la piste, tu donnes tout. My girl, pull up, take your time, please do that again. My girl. Jaja, tu fais des ravages, à demande de mariage, les meufs font la rage, elle te dévisagea. Tellement t'es wicked and wicked and. Love when you whine and love when you do it. Love when you whine and love when you do it. Pretty, pretty girl, then who make it to win $1 million call the twins, ayy. Love when me whine and love when me do it. Love when me whine and love when me do it. Quand tu m'as vu whine, j'ai tombé love tout de suite. Y'a nobody but a dang. Girl, quand tu montes sur la piste, tu donnes tout. Girl, quand tu montes sur la piste, tu donnes tout. Dansol, soca, soke, yasun tout. Girl, quand tu montes sur la piste, tu donnes tout. Girl, quand tu montes sur la piste, tu donnes tout. Girl, quand tu montes sur la piste, tu donnes tout. la piste tu donnes tout. Dans le sol, sous cas, sous tout. Y'all, quand tu montes, la piste tu donnes tout. Hey yo, get mad when you see me shake it. Perle rare, rare, j'suis une baby. Fais-moi de la place, laisse passer mon équipe. Cause nobody, nobody, nobody, badada. Girl, them a like when you shake your bum bum. Girl, them a like when you shake your bum bum. Girl, them a like when you shake your bum bum. Shake your bum bum bum bum bum bum bum. Hey. Move to the left, move to the right. Move to the left, move to the right. Everybody follow you, follow you, follow you. Cause you a leader. Girl, sous la piste, pas timida. Girl, quand tu montes, la piste, tu donnes tout. Girl, quand tu montes, la piste, tu donnes tout. Dans le sol, sous qu'il y a son tout. Girl, quand tu montes, la piste, tu donnes tout. Girl, quand tu montes, la piste, tu donnes tout. Girl, quand tu montes, la piste, tu donnes tout. Dans le sol, sous qu'il y a son tout. Girl, quand tu montes, la piste, tu donnes tout. Tout. Guana City Admiral. Les amis, c'était Admiral T. Allez, pour commencer cette émission, je vous propose qu'on passe à l'artiste suivant. Il se nomme Little John. Je vais vous faire découvrir l'une de ses chansons qui se nomme Sweet Reggae Music, man. Allez, c'est parti. Amis, c'était Sweet Reggae Music de Little John. Allez, poursuivons maintenant avec un autre chanteur. Il s'appelle Corey Smith. La chanson se nomme Indian Lady. Je vous laisse écouter et on se retrouve juste après. Indian Lady, Indian Lady. Que j'aime cette chanson, mais Rasta, j'espère que vous l'aurez aimé aussi. Hein. Allez les amis, c'est l'heure de la devinette, c'est parti. Alors, le chanteur est âgé de 50 ans, il est actif depuis 1988. Une de ses chansons, a fait partie d'un film, et je peux vous dire que cette chanson est très très très connue. Eh oui, est-ce que vous l'avez retrouvée? Eh oui, je parle bien de Tonton David. La chanson se nomme Allez leur dire, vous allez voir, c'est juste super. D'arriver ces derniers 35 ans à Paris, c'était pour gagner de l'argent. On leur avait parlé du grand rêve parisien. Sont arrivés ici, ils ont trouvé moins que rien. Dans des bidonvilles, on les avait installés. Des maisons bordeaux sans électricité. Pour les faire déménager 5 années plus tard. Une petite évidence, c'était du désespoir. Mais faut bouger, mets ton cerveau sur la position A. Du mal n'est pas mon idéal, mon le sens est une veuve, mais moi j'allume un joint car faut bouger les dos cerveaux sur la position A. Dans le ghetto ici, pourquoi tant de rejet? Toutes ces portes qui te connaissent, mais faut bouger. Mets ton cerveau sur la position A. Amis, c'était Tonton David. Et maintenant, je vais vous faire écouter un chanteur très talentueux, qui n'est pas que chanteur d'ailleurs, et qui vient de New York. Il est acteur aussi, humoriste. Et il s'appelle Eddie Murphy. Et oui, je pense que tout le monde voit de qui je parle. Il va chanter la chanson « Oh Jaja ». J'espère que vous allez aimer. It offends my senses. Hey, Babylon, Les amis, c'était Eddie Murphy, oh jaja. Allez les amis, pour finir, notre dernier chanteur s'appelle Damikis. Et la chanson s'appelle Amour, ce mystère. Yes, I Damikis System, toujours highway. Toujours positive, la man. Big up. L'amour restera un mystère. Sentiment dur comme l'hiver. Que faire lorsqu'une relation fait remuer la terre et fait remuer la mer? L'amour restera un mystère. Les sentiments durs comme l'hiver. Que faire lorsqu'une relation fait remuer la terre et fait remuer la mer? Chaque jour, je me remets en question. J'essaie de trouver ma raison de redevenir la personne que j'étais. Mais où je suis allé? Je me suis perdu dans mon univers. Je veux faire les choses bien, mais tout au contraire, je fonds de moi un mal qui est resté. Mais qui va donc m'aider à ouvrir les voir ce soleil briller, cette lueur dans tes yeux, je veux la revoir scintiller. Excuse-moi si au fond je t'ai blessé, ce n'était pas ma volonté. L'amour restera un mystère, les sentiments durs comme l'hiver. Que faire lorsqu'une relation fait remuer la terre, fait remuer la mer? L'amour restera un mystère, les sentiments durs comme l'hiver. Que faire lorsqu'une relation fait remuer la terre et fait remuer la mer? Chaque jour, je me remets en question. J'essaie de trouver ma raison pour devenir la personne que j'étais. Mais où je suis allé? Je me suis perdu dans mon univers. Je veux faire les choses bien, mais tout au contraire. Je fonds de moi un mal qui est resté. Mais qui va donc m'aider à ouvrir les yeux? Soleil brillé, cette lueur dans tes yeux, je veux la revoir scintiller. Excuse-moi si au fond je t'ai blessé, ce n'était pas ma volonté. Restera un mystère, sentiment dur comme hiver. Que faire lorsqu'une relation fait remuer la terre, fait remuer la mer? Et bien voilà les amis, cette émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous, bonne semaine à tous. On se retrouve dimanche prochain à 21h sur Fadjet. Salut tout le monde. Ah non non, j'allais oublier quelque chose, juste avant je voulais faire un gros, enfin je voulais juste dire merci à Emric et à Ellie pour toute la pub qu'ils m'ont fait les dimanches précédents. Donc juste pour ça, voilà. Une grosse dédicace à eux et un gros remerciement. Et sur ce, bah voilà, salut tout le monde. À dimanche prochain, 21h sur Fadjet 94.2.